rafraîchis tes gadgets, je fais des mélodies, j'ai pris de la bombe. Je revois le film de ma vie, les endroits de ma ville à chaque seconde. Le rafraîchis tes gadgets, je fais des mélodies, j'ai pris de la bombe. Je revois le film de ma vie, les endroits de ma vie, je suis dans. Pourquoi c'est la rue ici, y'a rien de logique. On connaît les embrouilles, ferme ta gueule et agis. J'ai le cœur en sang, il fait une hémorragie. 13ème en musique, t'as senti la magie. L'album il va sortir, on appelle ça le jour J. Ramène le pochon, je suis calé à la tourka. Dis-moi du concret, ne parle pas pour ti. Elle est partie comme ça, elle m'a pas dit pourquoi. On veut encore grandir, ne ferme pas la boutique. Ça se pète la tête pour oublier la routine. Pourtant je te l'avais dit, n'oublie pas la route tourne. Je vais en deux en Espagne, je fais un aller-retour. Je suis dans mon monde. Le rap, le shit, les gadgets, je fais des mélodies, j'ai frite la bombe. Je revois le film de ma vie, les endroits de ma ville à chaque seconde. Le rap, le shit, les gadgets, je fais des mélodies, j'ai frite la bombe. Je revois le film de ma vie, les endroits de ma ville, je suis dans mon monde. Le rap, le shit, les gadgets, je fais des mélodies, j'ai frite la bombe. Je revois le film de ma vie, les endroits de ma ville à chaque seconde. Le rap, le shit, les gadgets, je fais des mélodies, j'ai frite la bombe. Je revois le film de ma vie, les endroits de ma ville à chaque seconde. Je calcule pas les sous, j'ai trop les mains trouées. On fait ce qu'on aime, on n'a rien à prouver. J'étais dégoûté quand tu t'en écroué. On aime trop la victoire, on n'aime pas échouer. 4 morceaux en un jour, ça ressort en sueur. Rajoute du mélange, on est des gros buveurs. Tout le temps dans le sang comme fait des RGF. J'suis tarpé chiffon, elle veut faire un selfie. Claquette arena, un ensemble Adidas. Y'a plus de vodka, on se nique au Chivas. On va fêter ça, on va coffrer le ruinard. C'est le bon Dieu qui donne, on n'a pas peur des clignards. J'suis dans mon monde. Le rap, le shit, les gadgets, j'fais des mélodies, j'ai frite la bombe. J'revois le film de ma vie, les endroits de ma ville à chaque seconde. Le rap, le shit, les gadgets, j'fais des mélodies, j'ai frite la bombe. Je revois le film de ma vie, les endroits de ma ville, je suis dans mon monde. Le rap, le shit, les gadgets, je fais des mélodies, j'ai frite la bombe. Je revois le film de ma vie, les endroits de ma ville à chaque seconde. Le rap, le shit, les gadgets, je fais des mélodies, j'ai frite la bombe. Je revois le film de ma vie, les endroits de ma ville à chaque seconde. Le shit, les gadgets, j'fais des mélodies, j'ai frite la bombe. Je revois le film de ma vie, les endroits de ma ville à chaque seconde. Le rap, le shit, les gadgets, j'fais des mélodies, j'ai frite la bombe. Je revois le film de ma vie, les endroits de ma ville, j'suis dans mon monde. Le rap, le shit, les gadgets, j'fais des mélodies, j'ai frite la bombe. Je revois le film de ma vie, les endroits de ma ville à chaque seconde. Le rap, le shit, les gadgets, j'fais des mélodies, j'ai frite la bombe. Je revois le film de ma vie, les endroits de ma ville à chaque seconde.